Philippe, notre jardinier, m'avait promis de m'en faire voir un au gîte. C'est difficile. Il faut l'œil des vieux chasseurs. Nous traversions une étale. Les paysans disent une étoule, qu'un coteau protège contre le nord. Un lièvre se gîte le matin, à l'abri du vent qui souffle, et, même si le vent tourne dans la journée, le lièvre reste à son gîte jusqu'à la nuit prochaine. En chasse, moi, je regarde le chien, les arbres, les alouettes, le ciel. Philippe regarde par terre. Il jette un coup d'œil dans chaque sillon à la dévalée et à la montée. Une pierre, une motte l'attire. C'est peut-être un lièvre. Il va vérifier. Et cette fois, c'en est un. « Voulez-vous le tirer ?» me dit Philippe d'une voix contenue. Je me retourne. Philippe, arrêté, les yeux fixés au sol, sur un point, le fusil haut, se tient prêt. « Le voyez-vous » dit-il. « Où donc ?»« Vous ne voyez pas son œil qui remue ?»« Non, là, devant vous. »« Dans l'arrêt ?»« Oui, mais pas dans la première, dans l'autre. »« Je ne vois rien. » J'ai beau me frotter les yeux, plein de buée. Philippe, pâle du coup, qu'il a reçu au cœur, en apercevant le lièvre, me répète. « Vous ne le voyez pas ? Vous ne le voyez donc pas ?» Et ses mains tremblent. Il a peur que le lièvre ne parte. « Montrez-le-moi, dis-je, avec votre fusil. Tenez, là, l'œil, son œil, au bout du canon. Ah, je ne vois rien. Épaulez, Philippe, mettez-le en joue. » Je me place derrière Philippe et, même par la ligne de mire de son fusil, je ne trouve pas. C'est énervant. Je vois quelque chose, mais ça ne peut pas être le lièvre. C'est une brosse de terre, jaune, comme toutes les mottes de l'étole. Je cherche l'œil. Il n'y a point d'œil. Je me retiens de dire à Philippe, « Tant pis, tirez !» Et le chien, qui courait au loin, est revenu près de nous. Comme il n'a pas le vent, il ne sent pas le lièvre. Mais il peut s'élancer au hasard. Philippe le menace, à voix basse, de claques et de coups de pied s'il bouge. Philippe ne me parle plus. Il a fait l'impossible, et il attend que je renonce. Oh, cet œil noir, rond et gros, comme une petite prune, cet œil de lièvre terrorisé, où est-il? Ah, je le vois. À mon coup de fusil, le lièvre bondit hors du gîte, la tête fracassée. Et c'est bien le lièvre que je voyais. Je l'avais vu presque tout de suite, j'ai de bons yeux. J'étais trompé par la pose du lièvre. Je le croyais en boule comme un jeune chien, et je cherchais l'œil dans la boule. Mais le lièvre se gîte allongé, les pattes devant jointes et les oreilles rabattues. Il ne fait un trou que pour placer son derrière, être le plus possible à ras de l'étole. Le derrière est ici, et l'œil là, très loin. De là, ma courte hésitation. C'est lâche de tuer un lièvre au gîte, dis-je à Philippe. Nous aurions dû lui jeter une pierre, le faire sauver et le tirer tous deux à la course. Il ne pouvait pas nous échapper. Ce sera pour une autre fois, dit Philippe. C'est bien de me l'avoir montré, Philippe. Il n'y a pas beaucoup de chasseurs comme vous. Je ne le ferai pas pour tout le monde, dit Philippe.